Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de persévérance. Ce message-ci, j'aimerais l'adresser à ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ, mais qui sont retombés dans leur ancienne vie. Il y a des tas de raisons qui font qu'une personne ne persévère pas dans la foi. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui ont un jour voulu marcher avec Dieu. Ils se sont mis en route, puis à un moment donné, ils sont tombés dans leurs anciens péchés, alors ils se sont sentis tellement coupables qu'ils n'ont pas osé revenir vers le Seigneur. Écoutez-moi bien, lorsqu'on est fidèle, Dieu nous aime, et quand on est infidèle, Dieu nous aime encore plus. Lorsqu'on est fort, Dieu nous aime, et quand on est faible, Dieu nous aime encore plus. Lorsqu'on est saint, Dieu nous aime. Et quand on trébuche dans la saleté, Dieu nous aime encore plus. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu est amour. Dieu sait tout. Quand il vous a appelé la première fois, il savait d'avance que vous tomberiez en cours de route. Mais ça ne l'a pas empêché de vous accepter et de vous recevoir la première fois que vous êtes venu à lui. Il est normal de se sentir comme un chien après être tombé dans le péché, mais ce n'est pas la volonté de Dieu d'en rester là, mon frère ou ma sœur. La première chose que Dieu désire faire quand nous tombons, c'est de nous tendre la main et de nous relever. Il ne vous fera jamais de reproches. Le problème n'est pas que Dieu ne veuille pas nous pardonner, mais que nous ne voulons pas nous pardonner à nous-mêmes. Le vrai problème, c'est qu'à cause de sa culpabilité, le rétrograde se disqualifie lui-même de l'amour de Dieu, alors que Dieu ne l'a jamais disqualifié. Mon frère, ma sœur, rappelle-toi, la Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Peut-être direz-vous « Oui, mais moi, ça fait 10 fois, 100 fois que j'essaie de marcher avec Jésus et 100 fois je suis retombé. » Je comprends que votre problème peut être troublant pour la conscience, mais le nombre de vos rechutes ne change pas ce que la Bible dit, ne change pas la promesse de Dieu qui est de vous pardonner. En plus de vous pardonner sans limite, Dieu a préparé une solution permanente à votre problème du péché. Alors écoutez-moi bien, ne laissez jamais le péché vous empêcher de continuer de marcher avec Jésus. Au fond, qu'est-ce qu'un disciple de Jésus-Christ, sinon un boiteux qui persévère? Le Seigneur en a déjà vu des boiteux. Il en a vu depuis 2000 ans. Alors, peu importe vos faiblesses, si vous êtes capable de vous repentir, Dieu est capable de vous pardonner jusqu'à ce que vous trouviez le moyen de rester debout. La Bible dit à propos de Jésus, « Ainsi, puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Saint Jérôme, écrivant à son ami rétrograde, lui disait, « Que fais-tu dans le monde, toi qui es plus grand que le monde? » En Isaïe, chapitre 1, verset 18, Dieu dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Alors, il faut savoir que nous avons un Dieu compréhensif, totalement disposé à écouter miséricordieusement et à comprendre toutes les raisons qui nous ont amenés à sombrer dans une mauvaise vie. Plaidez avec Dieu. Racontez-lui ce qui s'est passé. Dieu ne vous jugera pas. Dieu ne juge jamais ceux qui viennent à lui. Dieu comprendra les raisons qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Dieu ne vous fera pas un seul reproche. Tout ce qu'il veut, c'est vous tendre la main et vous aider à sortir de votre mauvais milieu, vous restaurer et vous donner un nouveau départ, une nouvelle vie. Un nouveau commencement. Ne craignez pas les combats à venir contre le monde et l'enfer. La Bible dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Si ce message vous a touché, je vous invite à fermer les yeux et à faire cette prière avec moi. Mon Dieu, j'ai échoué, j'ai été faible, je suis retourné en arrière. Mais je frappe sur ma cuisse avec mon poing et j'ai des regrets amers. Jésus, sauve-moi car je péris. Étends ton bras puissant et retire-moi des eaux qui m'engouffrent. Redonne-moi la tendresse du début et la douceur du commencement, lorsque j'étais avec toi pour la première fois. Je suis la brebis perdue, mais aujourd'hui je suis la brebis retrouvée. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.